Pero salut Grizzly. Elle va mieux. C'est pas évident parce qu'il y a un décalage entre la guitare et la drums. À un moment, la guitare passe en contre-temps, ça fait bizarre. Ouais, c'est pour faire de l'hyperpunk. Avec ça par-dessus, ça passe mieux. Ah.